je me sens déraciné. Rincé, terrassé, effacé, censuré. Vide, grippe, griffé. À l'âme, c'est mon honneur qui a pris le coup. J'aurais dû savoir te mettre cette corde au cou. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup dans mon dos parlent de la connaissance à mes amis. Personne ne m'épargne, il paraît que j'ai changé. Il paraît que je suis plus le même, je veux pas leur dire t'es parti. Peur qu'ils ne comprennent que tout n'était que toi. Plus un brin d'orgueil sur le papier que de recueil. Je n'arrive plus à faire le deuil. Je lève les yeux au ciel au moins 100 fois par jour. Je me fais sincèrement, mais sincèrement c'est sans parjure. Je ne vis plus, ris plus, j'ai plus d'humour, je ne sais plus, suis plus. J'ai brisé mon armure, touché au cœur. C'est écrit, une fracture ouverte, un récit. Tristesse, une torture offerte. Flou, flou, un seul sentiment d'injustice. Flou, flou, l'effondrement de mon édifice. Flou, est-ce un sacrifice, flou, est-ce un maléfice, flou, ou une séparation rédemptrice. Flou, flou, un seul sentiment d'injustice. Flou, flou, l'effondrement de mon édifice. Flou, est-ce un sacrifice, flou, est-ce un maléfice, flou, ou une séparation rédemptrice. Flou, flou. J'ai partout, mais je n'ai pas trouvé que d'images, de souvenirs dans ma tête. J'ai tout retourné. J'étais dans ces endroits où on avait travaillé. J'étais dans ces lieux où on avait veillé. Je vais dans ces ruelles où on s'était rencontrés. Je retourne dans ces clubs, dans ces pubs où on était passé. Je me souviens que sur ce banc, ensemble, on s'était cherché des nuits entières. J'aurais jamais dû te lâcher. J'appelle tes collègues savoir s'ils ont de tes nouvelles. J'appelle mes amis, je leur parle de toi au conditionnel. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais laissé partir. Si j'avais su seulement te retenir, j'étais si bien avec toi. J'ai l'air si ridicule, t'es avec un autre. Il te maîtrise cette crapule, il va faire le tour de toi. Puis il va te jeter, mais si tu veux bien, je serai là pour te ramasser. Flou, flou, un seul sentiment d'injustice. Flou, flou, l'effondrement de mon édifice. Flou, est-ce un sacrifice, flou, est-ce un maléfice, flou, une séparation rédemptrice. Flou, flou, un sale sentiment d'injustice. Flou, flou, l'effondrement de mon édifice. Flou, est-ce un sacrifice, flou, est-ce un maléfice, flou, ou une séparation rédemptrice. Flou, flou. Tu sais, je rappe encore. Bien que je n'ai plus ta flamme, je travaille dur, plus de répit. Faut plus que je plane, faut que je t'oublie. Que je reparte à zéro, personne n'est indispensable. Et avec toi, je faisais vieillot, en fait, t'as bien fait de partir. Il fallait que je me retrouve, débute un nouvel avenir. Au monde entier, il faut que je prouve que sans toi, je veux être aussi fort, autant charismatique. Faut juste que je me recherche. Car là, il se marre, c'est-il mes cauchemars. Faut que je les vainque, que j'oublie toutes mes craintes. Car là, c'est moi qui bois, et c'est moi qui crains. Tu sais que grâce à toi, j'ai vu mes vrais amis, ceux qui avaient mis et qui surflots. Aujourd'hui, ils sont repartis, je me retrouve en amateur. Après avoir frôlé les pros, mais maintenant, c'est avec plaisir que je vais jouer. Puis, un flot de perdu, bien travaillé, c'est-y se retrouver. Et du flot, au fond de moi, j'en ai par milliers. Flou, flou, un seul sentiment d'injustice. Flou, flou, l'effondrement de mon édifice. Flou, est-ce un sacrifice, flou, est-ce un maléfice, flou, ou une séparation rédemptrice. Flou, flou, un sale sentiment d'injustice. Flou, flou, l'effondrement de mon édifice. Flou, est-ce un sacrifice, flou, est-ce un maléfice, flou, ou une séparation rédemptrice. Flou, flou. Un seul sentiment d'injustice. Flou, flou, l'effondrement de mon édifice. Flou, est-ce un sacrifice, flou, est-ce un maléfice, flou, ou une séparation rédemptrice. Flou, flou, un sale sentiment d'injustice. Flou, flou, l'effondrement de mon édifice. Flou, est-ce un sacrifice, flou, est-ce un maléfice, flou, ou une séparation rédemptrice. Flou, flou.